Ce matin, du sud de la Bretagne aux Charentes se sont décalés vers la Normandie, le centre, le bassin parisien. Quelques orages plus isolés pourront aussi éclater dans l'après-midi du massif central au Jura. D'une manière générale, beaucoup de nuages sur la France. Le soleil dominera tout de même dans le sud-ouest, de la Côte d'Azur à la Corse et sur le Nord-Pas-de-Calais, une certaine amélioration sur les Alpes. Fraîcheur légèrement atténuée au nord de la Loire, il ne fera cependant que 15 degrés à Brest, Paris ou Strasbourg, tandis que l'on attendra 25 degrés à Bordeaux, 26 à Lyon, 27 à Biarritz, 28 à Ajaccio. Vent d'est sur les côtes de la Manche, jusqu'à 80 km à l'heure. Demain, c'est surtout sur le littoral atlantique que le vent soufflera dans une atmosphère instable avec averses et orages. Également des pluies et des orages des Ardennes et de la frontière allemande, de la Bourgogne et Rhône-Alpes. Quelques orages possibles aussi de la Provence à la Corse. Une relative amélioration du bassin parisien au massif central, ciel variable, les plus belles éclaircies en Midi-Pyrénées. Les températures seront stationnaires au nord, en légère baisse dans le sud-est et une baisse plus marquée dans le sud-ouest. Il ne fera que 22 degrés à Toulouse, 23 à Marseille. Bonjour, c'est José Bové. Aujourd'hui, samedi 9 octobre, c'est le 51e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chesneau, Georges Malbruno et leur compagnon Mohamed Al-Joundi. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Et bien sûr, vous pouvez consulter le site internet de Reporters sans frontières, les www.rsf.org. Vous écoutez France Inter, on vous souhaite bien sûr une bonne après-midi et tout de suite, rendez-vous avec X de Patrick Pénaud. C'était à la fin du mois d'août. 12 travailleurs népalais étaient assassinés par un groupe islamiste irakien. 12 jeunes gens qui n'avaient pour seul tort que de travailler pour une société liée à l'armée américaine. Au-delà de ce massacre qui, malheureusement, n'a guère suscité beaucoup d'émotions en Occident, se pose la question des rapports entre le petit Népal et la superpuissance américaine. Depuis quelques années, en particulier après le 11 septembre, Washington s'intéresse de très près à ce qui se passe au Népal, où un mouvement armé d'inspiration maoïste contrôle désormais une grande partie du pays. Une organisation inscrite sur la fameuse liste des groupes terroristes internationaux établie par le département d'État. Si ces maoïstes gagnaient et s'emparer du royaume, ne risquerait-on pas de voir naître une nouvelle Corée du Nord, un nouvel État voyou, pour reprendre la terminologie états-unienne? En tout cas, la situation préoccupe la Maison-Blanche. Washington a décidé de venir en aide au roi Gyanendra, qui, à la faveur de cette lutte contre la guérilla, s'est octroyé tous les pouvoirs. Un roi qui a aussi annoncé son intention d'envoyer 900 soldats en Irak pour soutenir la coalition. Finalement, il n'en fera rien, mais favorisera néanmoins le recrutement de travailleurs népalais destinés à assister les services d'intendance de l'armée américaine, pour leur plus grand malheur. Monsieur X se propose donc d'ouvrir le dossier népalais. À Katmandou, capitale d'un des pays les plus pauvres du monde, personne n'a oublié le drame de 2001 qui a vu une grande partie de la famille royale assassinée par l'un des siens. Une affaire qui demeure encore aujourd'hui obscure. Ce n'est pas le moindre des mystères de ce royaume himalayen coincé entre les deux géants asiatiques, la Chine et l'Inde. C'est rien. On nous informe vraiment sur rien. c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache, cache, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. France Inter, rendez-vous avec X. Avez-vous vu cet entrefilet paru il y a quelques jours dans nos journaux ? Les maoïstes népalais ont exigé la fermeture de 35 sociétés installées à Katmandou. Et la plupart sont des compagnies dont les capitaux sont étrangers. D'autres appartiennent directement à la famille royale. Et sous quel prétexte ça ? Les maoïstes accusent ces sociétés d'exploiter leurs salariés. Déjà, pour les mêmes raisons, 12 autres firmes ont dû mettre la clé sous la porte. Alors, ça signifie que celles-là aussi vont obtempérer ? Certainement. On ne plaisante pas avec les maoïstes népalais qui sont de plus en plus puissants. Rackettent de nombreuses sociétés de la capitale et ont même mis en place un véritable blocus de Katmandou il y a quelques semaines. Ouais. Alors, selon vous, le pouvoir est menacé ? Absolument. Mmh. Et alors que le communisme a reculé un peu partout dans le monde, en ce début du XXIe siècle, des maoïstes sont donc en mesure de l'emporter dans un pays. Et pour vous, c'est une sorte d'anomalie, d'aberration ? Bien entendu. Enfin, pour comprendre, il faut remonter assez loin. Ouais, je vois que vous allez céder à la tentation de me faire un petit cours d'histoire. Mais d'abord, peut-être un cours de géographie. Non, je plaisante. Il faut quand même que vous ayez à l'esprit quelques notions claires. Allez-y, allez-y. Le Népal, c'est un rectangle de 800 km de long adossé à la chaîne himalayenne. Au nord, au-delà des montagnes, c'est la Chine. Au sud, une jungle marécageuse amorce la transition avec les plaines de l'Inde. Le Népal a donc deux voisins très encombrants. Qui ont été souvent tentés de se mêler des affaires népalaises. Mais on y reviendra, car la politique de Katmandou a longtemps consisté à trouver un équilibre subtil entre ces deux géants. Autre chose, une grande partie du pays est d'accès très difficile. À cause du relief. Naturellement. Le Népal, vous le savez sans doute, est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Je crois que le produit national brut par habitant n'excède pas 200 euros par an et par habitant. D'ailleurs, plus des deux tiers des Népalais vivent sous le seuil de pauvreté et sont analphabètes. Un pays donc excessivement en retard. Oui, et où les richesses nationales sont détenues par quelques privilégiés. En réalité, le système social népalais est encore quasi féodal et toujours régi par le système des castes, même si en principe, il a été aboli il y a presque un demi-siècle. Mm-hmm. Les castes, comme en Inde. Exactement. Mm-hmm. Et à cause de l'Inde, si je puis dire, et de l'hindouisme surtout, qui est la principale religion des Népalais. Les contacts entre les Népal et l'Inde sont très anciens. Je vous rappelle que Bouddha est né au Népal. Enfin, sans remonter trop loin, c'est au XVIIIe siècle qu'un souverain d'origine indienne, ancêtre du roi actuel, a unifié le pays et a imposé l'hindouisme. Les Népalais considèrent toujours que leur pays est la vraie patrie de l'hindouisme. Ouais, et pas l'Inde. Non, parce que le Népal, selon eux, a été préservé de la domination mongole et a échappé à l'annexion britannique, même s'il devra subir la tutelle de la Grande-Bretagne. Dès cette époque, en tout cas, le royaume doit se garder des tentations annexionnistes de la Chine et de l'Inde. Enfin, allons vite. Au milieu du 19e siècle, le Premier ministre profite d'un règlement de compte sanglant au sein de la famille royale. Ah oui, déjà. Déjà, oui. Et il en profite donc pour s'imposer avec le soutien des Britanniques. Il fonde sa propre dynastie, les Rana, et supplante donc l'autre dynastie, celle des Shah, qu'il contraint à l'exil. J'insiste sur ce point car la rivalité entre les deux familles existe toujours et se trouve, peut-être, à l'origine du massacre de la famille royale en 2001. Enfin, ça, on en reparlera. D'accord. En échange de cette reconnaissance par la Grande-Bretagne, le nouveau souverain autorise le recrutement par Londres de régiments de Népalais. Ouais, les fameux Gourkhas, c'est ouais, ça? Oui, des troupes d'élite qui seront engagées dans pratiquement tous les conflits auxquels la Grande-Bretagne participera. Et qui joueront un rôle éminent dans la répression de la révolte des Sipayes. Ouais, des sacrés soldats, paraît-il. Mmh. Le régime est alors celui d'une monarchie absolue. En effet, ouais. La dynastie Rana règne sur le pays d'une main de fer. Et surtout, les différents rois prennent soin d'isoler le Népal de toute influence étrangère. Ça a l'avantage de préserver l'indépendance du royaume, mais aussi un formidable inconvénient. Le Népal demeure un pays arriéré tant sur le plan des mœurs et de l'organisation de la société que sur celui du développement économique. Un pays figé, mais aussi très mystérieux. C'est vrai, vous avez raison. La notion, par exemple, de sacré imprègne la vie des Népalais. Aujourd'hui encore. Et les astrologues sont obéis à la lettre. Quant au roi, il est toujours considéré comme étant un descendant direct du dieu Vishnu. Bien que le souverain actuel ne bénéficie pas de la même dévotion que son prédécesseur. Prédécesseur, celui qui a été assassiné. Oui, le roi Birendra, oui. Et malgré ce splendide isolement, le Népal évolue lentement au début du XXe siècle. Dans les années 20, exactement. L'esclavage est aboli. Les veuves ne sont plus obligées de s'immoler par le feu à la mort de leur époux et on inaugure une première voie de chemin de fer en même temps qu'un collège universitaire. Des avancées? Ouais, mais enfin, bien timide. Oui. En réalité, le premier... Sauf pour les veuves. Ouais. En réalité, le premier vrai bouleversement se produit après la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourquoi, là? À cause de l'indépendance indienne. Une indépendance qui va avoir deux conséquences importantes. D'une part, l'Inde est aussitôt tentée de se substituer à la Grande-Bretagne et de devenir le nouveau tuteur du Népal. Ce qui ne doit pas tout à fait plaire à Katmandou. Évidemment. Et simultanément, à l'initiative des Indiens, on assiste à la montée en puissance des partis démocratiques népalais. L'un surtout, le Parti du Congrès. Ah, c'est un frère jumeau du Parti du Congrès indien. Bien entendu, c'est le parti dominant en Inde. Mmh. Mais au Népal, enfin, malgré cette émergence de parti démocratique, c'est toujours la monarchie absolue. Oui, oui, bah, et il ne fait pas bon s'opposer au roi. Beaucoup de militants démocratiques le paieront de nombreuses années de prison. Mais n'empêche que la dynastie Rana fait l'objet de plus en plus de contestations. Mmh. Attisée par l'Inde? Oh, c'est certain. Et après une révolte armée, l'Inde finit par obliger les Rana à se démettre. Et la dynastie Shah revient au pouvoir après une absence d'un siècle. Est-ce que ça change quelque chose, au fond? Bon, on assiste à une relative démocratisation. Et en 1959, le roi Mahendra promulgue même une constitution. Il est donc procédé à des élections démocratiques. Les premières dans le royaume? Oui, et comme prévu, le parti du Congrès l'emporte largement. Un premier ministre issu de ses rangs est nommé et le nouveau gouvernement entame des réformes. Mais à la cour, on commence à s'inquiéter. Et au bout de 18 mois, le roi met fin à l'expérience démocratique et impose une nouvelle constitution qui rétablit la monarchie absolue. Eh ben, ça n'aura pas duré bien longtemps, hein. Et le roi invente un curieux système qui, selon lui, correspond mieux aux structures traditionnelles du pays. Terminés les partis politiques. À leur place, il y aura des conseils. C'est donc toute une structure pyramidale qui part du village jusqu'à la tête, c'est-à-dire le roi. Le roi qui décide de tout, nomme le premier ministre et règne sur toutes les institutions du pays. Eh ben c'est plus simple. Et en même temps, pour échapper à l'influence indienne, le roi se rapproche de Pékin et accepte une assistance chinoise, technique et militaire. Réaction des Indiens? Ah, ils sont furieux. Ah, oui. Mais ils savent qu'à terme, ils reconquerront leur influence sur le Népal. Et d'abord pour des raisons géographiques. La Chine se trouve de l'autre côté des plus hautes montagnes du monde, tandis que l'Inde peut naturellement communiquer avec le Népal par le sud. Oui, par les plaines. Oui. Katmandou dépend donc étroitement de New Delhi, ne serait-ce qu'économiquement. Et au milieu des années 60, l'Inde n'a aucun mal à imposer au petit Népal d'être son fournisseur exclusif de matériel militaire. Et sur le plan politique, alors? Bah, il était évident que le système de la démocratie sans parti ne durerait pas une éternité. Dès la mort du roi, en 1972, et la montée sur le trône de son fils, Birendra, les oppositions se manifestent. Les étudiants en grondent, et les élites du pays réclament le rétablissement d'une monarchie parlementaire. Le jeune roi jette du lest. Après un référendum, Birendra fait quelques concessions, mais jusqu'en 1990, le roi demeure le maître absolu du pays. Et toutefois, le ver est dans le fruit. Rendez-vous avec X. Le petit Népal, flanqué de ses deux grands voisins, l'Inde et la Chine, des voisins entreprenants et un peu trop désireux de se mêler des affaires népalaises. Voici comment Philippe Ramirez, dans un récent numéro de la revue Hérodote, analyse leur rapport. Il évoque d'abord l'Inde. La dépendance économique à l'Inde reste lourde jusqu'en 1980. Les deux tiers des échanges népalais se faisaient avec l'Inde et c'est toujours du Sud que provient l'essentiel des matières premières et de l'énergie consommée au Népal. L'influence de l'Inde ne s'arrête pas à ses composantes stratégiques et économiques. Elle se traduit aussi dans l'expérience individuelle de la plupart des Népalais. Le flux migratoire impulsé par les Britanniques à la fin du 19e siècle vers les plantations de thé et les fronts pionniers de l'Assam ne s'est pas tari. 4 millions de Népalais, certains de nationalité indienne, étant aujourd'hui employés en Inde. Dans le sens inverse, de 200 000 à 400 000 citoyens indiens, artisans, manœuvres et négociants résident dans la plaine méridionale et la vallée de Katmandou. La majorité des diplômés népalais sont passés par les universités indiennes et le cinéma et la littérature hindi sont partout familiers. Les modèles politiques indiens, enfin, ont sur la vie politique népalaise un poids considérable. De la Chine, au contraire, l'immense majorité des Népalais ne connaît que les produits manufacturés. La Chine n'est qu'un parmi les innombrables pays développés. Hormis pour les populations des franges nord, elle reste aussi mal connue que l'Europe ou les États-Unis. En 1990, de graves émeutes éclatent. Le roi Birendra, qui comprend que le destin même de sa dynastie est en jeu, doit donner des gages aux manifestants. La monarchie absolue se transforme en monarchie constitutionnelle et un gouvernement d'unité nationale est mis en place. Mmh. Un gouvernement qui rassemble qui est... Il y a bien sûr le puissant parti du Congrès, quelques monarchistes partisans de l'ordre ancien, mais on y trouve aussi des communistes. C'est vous dire si le spectre est large. Trop large peut-être. Pourquoi trop large? Parce que rapidement c'est la pagaille et le désenchantement. Rien n'a vraiment changé et les nouveaux hommes du pouvoir sont accusés de corruption et de népotisme. C'est surtout le parti du Congrès qui est visé, un parti divisé lui-même, et que beaucoup de Népalais trouvent beaucoup trop proche du grand voisin indien. L'Inde, toujours. Naturellement. Quelques années plus tôt, New Delhi a fait la preuve que le Népal devait rester sous sa tutelle. La monarchie ayant manifesté son intention de s'affranchir de cette pesante suggestion, en particulier en matière de politique étrangère, l'Inde a purement et simplement fermé la plupart des points de passage frontaliers entre les deux pays. Oui, un véritable blocus. Et il en est résulté un début d'asphyxie économique pour le Népal qui est rapidement venu à récipiscence et accordé à l'Inde tout ce qu'elle voulait. En tout cas, cette crise a précipité la révolution politique qui a vu s'effondrer la monarchie absolue. Car les habitants de ce petit pays enclavé sont prompts à voir la main des Indiens derrière tout leur déboire. Ouais, puis d'après ce que vous avez raconté, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, non? Parce que, au fond, c'est l'Inde qui tire les ficelles. c'est vrai. Enfin, continuons. En 1994, la crise politique menace et le Premier ministre, issu du parti du Congrès, est mis en difficulté. Le roi prend alors la décision d'appeler les Népalais aux urnes. Le roi, justement, il a perdu une grande partie de ses pouvoirs, hein, et l'accepte-t-il? Eh bien oui, oui. Virendra respecte scrupuleusement la constitution et mène une existence de nabab à l'abri des murs de son palais de Katmandou. Et malgré le fait qu'il garde en principe le contrôle de l'armée et des forces de police, il ne manifeste aucune intention de recouvrer des droits qui étaient ceux de ses ancêtres. Ça lui vaut d'être respecté par tout le personnel politique, même par ceux qu'il a autrefois envoyés en prison. Et les communistes, là? Les communistes aussi. Ils se satisfont de cette monarchie parlementaire où le roi règne mais ne gouverne pas. Et Birendra n'a jamais été aussi populaire que depuis le moment où il a renoncé à gouverner. Et puis, n'oubliez pas que pour les Népalais qui sont très attachés à leur religion, ils demeurent toujours l'incarnation de Vishnu. Ouais, une sorte de dieu vivant. En effet, oui, oui. Il faut toujours insister sur cet aspect. La religion hindouiste est présente dans tous les actes de la vie quotidienne. Songez que pour prévenir les catastrophes aériennes, la compagnie nationale sacrifie chaque année un troupeau d'yaks sur la piste de l'aéroport. Enfin, revenons à la politique. Je vous ai donc dit que pour mettre fin à la crise politique, Birendra avait provoqué des élections. Alors, résultat? Les communistes l'emportent. Bon, certes, ils ne sont pas majoritaires, mais ils deviennent la formation politique la plus importante du nouveau parlement. Et très logiquement, le roi invite son chef à devenir le nouveau premier ministre. Ça, alors, vous avez dit, c'est en 1994. Hein, oui, oui. Et alors qu'un peu partout dans le monde, les systèmes communistes se sont déjà effondrés. Et cette victoire du parti marxiste-léniniste unifié népalais est donc assez paradoxale. Ah, à contre-courant, en tout cas. C'est juste. Enfin, disons-le tout de suite, ces communistes népalais sont plutôt des modérés. Même s'ils ont mené une campagne électorale assez simpliste. C'est-à-dire? Enfin, les propagandistes allaient dans les villages, montraient aux paysans la maison du plus riche et affirmaient « Si nous gagnons les élections, cette maison sera aussi à vous. » On ne peut pas faire plus primaire. Exact. Enfin, dans ce pays où il y a tant de pauvres et où les richesses nationales sont confisquées par une poignée de familles, l'argument a porté. Mais il était à double tranchant. Et pour quelle raison? Parce que si les élus ne respectaient pas leurs promesses, ils risquaient de provoquer de nombreuses frustrations. Et certains seront en profiter. À qui, alors? Un petit peu de patience. Ouais, bon, enfin, j'ai compris. Ça, n'allons pas trop vite. Oh, bah, si j'ai même plus besoin de le dire, bon, allez, redevenons sérieux. Attendez, avant d'aller plus loin, là, est-ce que les Chinois ont joué un rôle dans le succès de ces communistes népalais? Je ne pense pas, non. Les communistes qui étaient autrefois aidés et financés par les partis frères sont maintenant abandonnés à eux-mêmes. Et puis, les Chinois ont compris depuis longtemps que le Népal était une chasse gardée des Indiens. Et s'ils sont toujours attentifs à l'évolution du pays, ils n'interviennent plus directement. Plus ils ont déjà fort à faire avec le Tibet, cet autre pays himalayen qu'ils ont annexé de fait. Ouais. Alors, parlez-moi un instant là de ces communistes népalais modérés. Surtout pragmatiques. Leur chef, Adhikari, est plus social-démocrate que marxiste-léniniste. Et il n'a nullement l'intention de procéder à des nationalisations ou à une redistribution des terres. La campagne électorale des communistes a donc été purement et simplement mensongère. Et démagogique, c'est certain. En outre, il faut tenir compte de l'origine sociale de ces communistes. Adhikari, comme beaucoup de ses camarades, est un brahmane. Oui, c'est-à-dire la caste supérieure. Oui, et lui-même est un grand propriétaire foncier. Il est donc à peu près sûr que les réformes entreprises par les communistes ne seront pas radicales. D'ailleurs, le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas? Adhikari doit tenir compte de l'environnement international. C'est-à-dire l'Inde? L'Inde, bien sûr. Mais aussi les pays occidentaux, qui risquent de cesser d'aider le Népal. Et la Banque mondiale, qui s'inquiète. Avant de fournir gratuitement l'eau et l'électricité aux paysans, le gouvernement doit d'abord rembourser les prêts qui lui ont été consentis pour construire un gigantesque complexe hydroélectrique. Un projet qui ne verra d'ailleurs jamais le jour. Alors par conséquent, ce gouvernement minoritaire est pratiquement condamné à l'impuissance. Oui, sans compter que le parti est miné de l'intérieur entre marxistes et léninistes. Expliquez-moi ça, là. Les premiers, comme Adhikari, sont partisans d'une évolution lente. Les seconds, eux, voudraient aller plus vite. Et le premier gouvernement communiste de l'histoire du Népal va bientôt être renversé par une coalition de monarchistes et de représentants du parti du Congrès. Enfin, le vrai danger pour les communistes légaux vient d'ailleurs. Du plus profond du pays, où des communistes dissidents préparent une véritable guerre populaire contre les institutions en place. Ouais. Les maoïstes, oui. Oui, oui, oui. Pour eux, la constitution d'un gouvernement communiste légal a été comme un chiffon rouge qu'on agitait devant eux. Pourquoi la compromission? Et le réformisme, appelez ça comme vous voudrez. Ces radicaux ont créé dès 1995 le PCNM, c'est-à-dire le Parti communiste népalais maoïste. Maoïste. Alors, je suis obligé de vous reposer la question sur la Chine. A-t-elle une responsabilité quelconque dans cette création? Il est clair que ces révolutionnaires qui vont bientôt passer à l'action se réclament de la pensée de Mao Zedong. Sont-ils pour autant soutenus par la Chine? Non, pas vraiment. À Pékin, on ira même jusqu'à dire que ces communistes népalais corrompent la pensée maoïste. Ouais, enfin, il y a souvent une grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, hein. Ouais, vous avez raison. Tenez, je suis à peu près sûr qu'au début, ces révolutionnaires ont bénéficié de quelques livraisons d'armes. Ouais, au début? Oui, au début seulement, car ces Mao vont rapidement se trouver d'autres alliés. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Comment et pourquoi cette guérilla maoïste est-elle née? En novembre 2003, le journaliste Cédric Gouverneur donne son analyse dans Le Monde diplomatique. Il parle d'abord des autorités népalaises. Cet état défaillant s'est lancé en 1992, incité par les institutions financières internationales, dans un processus néolibéral de privatisation, faisant disparaître les rares services existants. L'eau potable et la sécurité sont devenues des opportunités de marché. Si une nouvelle classe de consommateurs est alors apparue après une brève embellie économique, la corruption a fait fuir les premiers investisseurs. Dans de telles conditions qu'une frange de la population ait recours à la violence pour changer sa condition sociale n'est guère surprenant. Dès 1992, faisant référence au sentier lumineux, des observateurs annonçaient un scénario péruvien pour le Népal. Les gens aisés de Katmandou évoquent la terreur maoïste sans réaliser que la guérilla dispose d'une base sociale substantielle, révèle Madame Rita Manchada, membre d'une ONG. Les maoïstes sont à 100% la conséquence de la corruption et de l'incompétence du pouvoir, constate lui aussi le directeur d'un journal libéral. Un mot revient en permanence dans la bouche de chaque guérillero interrogé. Développement. Les insurgés veulent des médecins, des routes, des ponts, l'électricité, des barrages hydrauliques et pouvoir exporter leurs récoltes. Ils veulent sortir de la misère, tout simplement. Les cadres du parti rencontrés dans les maquis sont de haute caste, de jeunes hommes ayant eu accès à l'éducation, qui ont étudié en ville et ont vu les fortunes nées de la corruption, des privatisations et du tourisme sans avenir. Ils voient dans la lutte armée une opportunité radicale d'ascension sociale, éliminer les nantis et prendre leur place. La rébellion armée va voir le jour fin 1995 dans des districts situés dans le nord-ouest du Népal. Pourquoi là? Sans doute parce que c'est une région de moyenne montagne qui se trouve à quelques 400 km de la capitale, Katmandou, et où l'extrême gauche est particulièrement bien implantée. Sinon, cette partie du pays n'est ni plus riche ni plus pauvre. Elle offre toutefois l'avantage de se trouver à 2 ou 3 jours de marche de la plaine et donc de la frontière indienne. Et la frontière au-delà de laquelle la guérilla disposera d'éventuelles bases arrières. Exactement. Enfin, quoi qu'il en soit, les premières attaques sont dirigées contre des représentants du Parti du Congrès, des policiers et des usuriers. Les maoïstes, c'est ce qu'ils affirment, se donnent pour mission de lutter contre le terrorisme d'État, les propriétaires et ce qu'ils appellent dans leur jargon la bureaucratie féodale. Ouais, c'est-à-dire la mainmise des notables appartenant aux hautes castes, hein, sur l'administration. C'est ça, hein, oui, ça. Tout à fait. Ces attaques sont-elles très violentes, là? Elles le sont, oui. Même si à cette époque, les guerrieros ne sont souvent armés que de couteaux, des kukris, les fameux poignards traditionnels népalais. Mais ça changera par la suite. En tout cas, quelle est la réaction des autorités? Excessivement dure. Répression, arrestation arbitraire, torture, enfin bref. L'arsenal classique d'une police aux ordres d'un gouvernement qui n'entend pas voir se développer les foyers de guérilla. Ouais, la crainte de la contagion, quoi. Mais les maoïstes n'en attendent pas moins. Ils ont besoin de martyrs et savent très bien que cette répression sauvage fera se lever de nouveaux combattants. Ouais, le cycle traditionnel, en somme. Hein. Bien sûr. Mais à Katmandou, on pense que cette guérilla trouvera bien vite ses limites. C'est vrai que le maoïsme semble alors quelque peu dépassé. Mais le gouvernement se trompe. En février 96, le Parti communiste maoïste lance une véritable déclaration de guerre aux autorités en rendant public un programme en 40 points qui exige l'abrogation des traités avec l'Inde et l'établissement d'une démocratie populaire. C'est pas très réaliste à l'époque. Non, mais les Mao jouent assez habilement. Fidèle à l'enseignement du grand timonier, ils se fondent dans la population. Ah oui, comme des poissons dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao. Ouais, et ils jouent l'encerclement des villes par les campagnes. Ils profitent aussi d'un environnement propice à la guérilla. Dans ces régions montagneuses, il est aisé de se cacher. Et la population, alors, adhère-t-elle, dans ses premiers temps, aux revendications des maoïstes? Dans une large mesure, oui, tant la misère est généralisée. Pour s'en sortir, les paysans n'ont bien souvent que deux solutions, ou partir vers l'Inde, ou bien s'engager dans l'armée, les régiments de Kourkas. Mais l'une et l'autre solution ne sont pas accessibles à tous. La lutte contre les usuriers ou les grands propriétaires ne peut donc être que populaire. Même les attaques contre les policiers, trop souvent brutaux ou corrompus, rencontrent la faveur du petit peuple. Et sur le plan militaire? On voit très peu de jours après la publication de leur programme, en 1996, les maoïstes lancent vraiment ce qu'ils appellent la guerre populaire. Des militants masqués et armés mettent à sac des postes de police, des banques, et bien sûr, s'attaquent une nouvelle fois à des usuriers et à des propriétaires accusés d'exploiter leurs paysans. En 2 semaines seulement, les guérillos perpétuent 5000 actions armées. Mais c'est considérable, il y a des morts. Alors. Naturellement, et il y en aura de plus en plus au fil du temps, des centaines par an. Au total, depuis que cette guerre populaire a été déclarée, des milliers de morts ont été comptés de part et d'autre. Alors, je reviens au premier temps de cette rébellion. Après ces événements, donc du début 1996, les maoïstes entament une deuxième phase. Alors, de quoi s'agit-il, là? Pour survivre, une guérilla a besoin d'armes et d'argent. Bien sûr, mais vous m'avez dit tout à l'heure que les maoïstes s'étaient trouvés des alliés, c'est ça? Exact, hein, ouais. Je vais m'en expliquer. Auparavant, je voudrais quand même vous parler de cette deuxième phase. Vas-y, ouais. Les attaques de postes de police vont maintenant avoir surtout pour objectif de s'emparer des armes des policiers. Mmh. En fait, vous me parlez sans arrêt de la police, là, mais... et l'armée? Sagement, le roi Birendra, qui approuve du bout des lèvres la répression, ne veut pas engager l'armée contre les rebelles. Ce sera d'ailleurs peut-être l'une des causes de son assassinat, on en parlera. Mais... les militaires eux-mêmes ne souhaitent pas non plus être mêlés à ce qui apparaît de plus en plus comme une véritable guerre civile. Et on verra même des soldats assister sans bouger à la mise à sac de bâtiments publics et à l'exécution de policiers. Eh bien. Et l'argent alors? Les maoïstes le prennent là où il se trouve, d'abord dans les banques. C'est-à-dire qu'ils commettent donc des hold-up. C'est vrai. D'ailleurs, le véritable objectif des attaques de banques, c'est de procurer des fonds. Ensuite, comme main mouvement clandestin, les maoïstes procèdent à des extorsions de fonds. L'impôt révolutionnaire. Ou le racket, mais c'est souvent la même chose. Des entreprises, mais aussi des fonctionnaires, sont ainsi régulièrement ponctionnés et participent malgré eux au financement de la guérilla. Et cela va prendre de l'ampleur. Car assez rapidement, un an à peine après le début donc de la guerre populaire, les rebelles se rendent maîtres des zones entières. C'est-à-dire des zones qu'ils vont administrer eux-mêmes, hein? Oui. Les policiers de ces zones ont été chassés ou bien ils ont préféré quitter les lieux. Sagement. Oui. Quant aux fonctionnaires, ils ont la plupart du temps pris le même chemin. Les militaires aussi. Les maoïstes exercent donc, de fait, l'autorité politique et transforment ces zones en de petites démocraties populaires où le Parti communiste règne en maître. J'ajoute, mais... ça ne vous étonnera peut-être pas, après ce que je vous ai dit sur le sous-développement du pays, que les rebelles ont parfois été les premiers étonnés de voir avec quelle rapidité les rouages du pouvoir local se délitaient. Ouais, heureuse surprise pour eux. Mais vous ne m'avez pas parlé, il y a comme des chefs dans ce mouvement, non? Ils sont deux. L'un, le camarade Prachanda, ce qui veut dire le terrible, contrôle le parti et ses structures. L'autre, Bhattarai, en est l'idéologue. Ils ont alors un peu moins d'une cinquantaine d'années et appartiennent tous les deux à la caste brahmane. Eux aussi. Que voulez-vous, les gens éduqués au Népal ne peuvent forcément qu'appartenir à cette caste de privilégiés. Alors, revenons à ce que vous disiez là. Vous avez parlé de petites démocraties populaires à propos de ces zones conquises. Hein, c'est exact, oui. Est-ce qu'elles sont administrées comme autrefois l'étaient les pays de l'Est ou aujourd'hui la Corée du Nord? On y doit, c'est vrai, une obéissance totale au parti. Alors, l'exercice de la terreur? On peut voir les choses comme ça, mais en même temps, une partie notable de la population de ces zones est acquise aux maoïstes qui ont apporté l'égalité, une certaine justice et surtout aboli la corruption. Mais... si vous voulez bien, on y reviendra la semaine prochaine, car j'ai déjà été assez long pour aujourd'hui. Toutefois, je ne veux pas vous quitter comme ça sans évoquer les alliés de cette organisation maoïste. Des alliés qui l'ont aidé au début et continuent sans doute. Je vous écoute alors. En Inde, il existe un mouvement d'extrême gauche appelé Naxalit. Ce curieux nom vient d'une ville indienne, Naxalbari, où à la fin des années 60, on a assisté à un soulèvement rural d'inspiration maoïste. Malgré la répression, les groupes naxalites existent toujours. Et les révolutionnaires népalais se sont inspirés de l'existence de ce mouvement? Sans aucun doute. Mais c'est allé plus loin. Ces maoïstes indiens ont noué des rapports étroits avec leurs homologues népalais. Ce sont eux qui leur ont fourni leurs premières armes, par exemple, alors que les Népalais vivaient dans le plus grand dénuement. Je vous l'ai dit, cette coopération se poursuit. Des communistes maoïstes népalais se sont en particulier installés au nord de l'Inde. C'est-à-dire près des zones frontières. Évidemment. Hein. Et à leur tour, ils donnent un coup de main à leurs amis naxalites. L'idée de tous ces maoïstes, c'est de parvenir à créer une zone révolutionnaire continue qui irait du Népal jusqu'au Bengale, en passant par les états du nord de l'Inde. Une sorte de corridor rouge, en somme. C'est sérieux, ça? Bah, en tout cas, cela préoccupe beaucoup le gouvernement indien. D'autant que la guérilla maoïste ne cesse de progresser au Népal. Et que certaines régions du nord de l'Inde, infiltrées par les communistes népalais, sont devenues de vraies bases clandestines. Mais les Indiens ont une autre raison de s'inquiéter. De même que les services secrets pakistanais aident les militants islamistes au Cachemire, ils procèdent sans doute de même en Inde. Alors, on est dans les maoïstes ? C'est ce que je pense, oui. L'ouvrage « Les mondes rebelles », édité chez Michalon, consacre quelques lignes aux deux figures du mouvement maoïste, le camarade Prachanda, alias Pushpa Kamal Dal, et Baburam Bhattarai. Âgé de 48 ans environ, tous deux de caste brahmane, les deux hommes ont en commun leur pensée d'extrême-gauche et leur entrée en politique pendant les mouvements étudiants dans les années 80. Prachanda, l'homme de terrain du parti et son secrétaire général, est issu de la classe agraire du centre du pays près de Pokhara. Durant son enfance, sa famille aurait dû quitter Pokhara à cause de la difficulté des conditions de vie et se serait installée à Chitwan, dans le Terai, zone frontalière avec l'Inde, où les Indiens contrôlent une partie importante des terres. Prachanda y aurait été grandement influencé par les mouvements paysans anti-indiens actifs pendant sa jeunesse. Il aurait lui-même adhéré au Parti communiste à l'âge de 17 ans. Il représente le lien avec les masses. Bhattarai, l'idéologue, est issu d'une famille urbaine et possède un doctorat en ingénierie obtenu à Delhi. Ce n'est que plus tardivement, au début de l'opération Roméo en 1995, qu'il rejoint le mouvement lancé par Prachanda. Il continuerait d'entretenir des liens fort utiles avec la diaspora népalaise en Inde. Les deux hommes exercent un contrôle total sur le parti. À samedi prochain, pour un nouvel entretien consacré au Népal, M. X essaiera de dissiper en particulier le mystère qui plane sur l'assassinat en 2001 d'une partie de la famille royale. Et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements discographiques et bibliographiques. Groupama Banque, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que Julien, mon fils, a des résultats catastrophiques à l'école. Oui, mais nous sommes une banque. Impossible de le faire travailler. Oui, mais nous sommes une banque. Justement, quand on met de l'argent chez vous, il travaille. Alors, vous pourriez prendre Julien, quelques jours. Oui, mais nous sommes une banque. Venez découvrir les solutions actives de Groupama Banque dans votre agence Groupama. Votre argent ne dort jamais, il travaille. Groupama, donnons à la vie toutes ses chances. Votre caisse régionale Groupama est intermédiaire en opérations de banque de Groupama Banque. Encore des mots, toujours des mots. Parce qu'il est urgent d'économiser l'énergie, aujourd'hui on ne peut plus se contenter de... Paroles, paroles, paroles. Le climat se dérègle, il faut agir et tout de suite. Fini le 4x4 en ville. Pour moi maintenant c'est transport en commun, vélo ou petite voiture. Les économies d'énergie c'est moins de gaz à effet de serre et plus d'argent économisé. Alors... Faisons vite, ça chauffe. Contactez l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conseillers Info Énergie au 0810 060 050, près d'un appel local. Faire le tour du monde, vous en rêvez? Au cœur de l'océan Indien, une île française, la Réunion offre tous les paysages de la Terre. Lagons et plages, montagnes et forêts luxuriantes, volcans en activité et paysages lunaires. Champs de canne à sucre ondulant sous les alizés. Un cadre grandiose pour des sensations intenses. Réunion multiple, Réunion unique. Alors prêt à partir pour un tour du monde? Courez vite dans votre agence de voyage. La Réunion, c'est 1000 voyages en un voyage. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Louis Boson pour l'enregistrement des Jeux des 1000 euros. Il sera lundi 11 à Mouveau, dans le Nord, à la salle Berker, et mardi 12 à Vingles, dans le Pas-de-Calais, à la salle Gustave Berthe. Vous savez que ce week-end, le Salon de l'Auto ferme ses portes et l'équipe de CO2, Mon Amour, sur France Inter, aujourd'hui, soulèvera le capot dans quelques minutes. Il est 14h. On retrouve Michel Khalifa. L'Afghanistan n'avait pas connu d'élection présidentielle depuis 1919. Les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui, mais depuis ce matin, c'est la confusion qui règne. 14 candidats ont décidé de boycotter le scrutin. Ils disent avoir constaté des irrégularités. Mise en cause, l'encre utilisée par les électeurs pour voter. Dans plusieurs régions, elle ne serait pas indélébile et permettrait des fraudes. Les adversaires du président Hamid Karzai, qui fait figure de favori de cette élection, affirment qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats. La commission électorale afghane a décidé il y a quelques minutes que ce scrutin ne sera pas arrêté. Les conservateurs étaient les grands favoris des élections législatives en Australie. La moitié des bulletins ont déjà été dépouillés et les prévisions se confirment. Le parti actuellement au pouvoir est largement en tête. Le Premier ministre John Howard est bien parti pour accomplir un quatrième mandat consécutif.